Alors du coup, la poissonneuse, c'est pour faire des trous. Et on va... Du coup, je vais allumer la machine.